sunny. Ce matin encore, c'était l'hiver. Sunny, depuis que tu es là, le ciel est plus clair. Il y a du soleil dans les rues, sur les toits. Le printemps est revenu avec toi. Et je t'aime toujours, mon amour. Sunny, c'est déjà la fin de ma longue nuit. Sunny, à nouveau pour moi, le soleil, lui. J'ai eu des mauvais jours dans le vent et la pluie. J'avais si peur que tu m'oublies, mais tu m'aimes toujours, mon amour. Sunny, tu m'as ramené tant de soleil. Sunny, le ciel est si beau.